promène dans la ville. Je suis avec mon ami, ouais. On marche sur le sol en attendant qu'un jour le bitume s'allume. C'est la hesse de Paris à Lille. Ça va de 0 à 1000. Coup de batte ou coup de crosse dans nos cités à trois. C'est le spell dans ma ville. C'est le spell dans ma ville. Bah ouais, c'est la merde dans nos villes. Mais c'est le spell dans ma ville. Tout le monde veut la monnaie. Tout le monde veut les violets. Tout le monde veut la monnaie. Tout le monde veut les violets. Mais c'est le spell dans ma ville. C'est le spell dans ma ville. C'est le spell dans ma ville. C'est le spell dans ma ville. J'suis dans mon élément. J'me retrouve jusqu'à Villiers. Faut des billets, liasse de billets de sang. Feu rouge, j'peux pas griller. J'suis avec ma ouais, tu peux pas nier. Musique à fond, bouge dans tous les sens. Dans la ville, les terrains sont minés. C'est le sbeul dans toutes les cités de France. Eh oh, ça s'embrouille pour elle. Tu sais, Paris Arène. Y'a de la frappe jusqu'à Mulhouse, toute fraîche. C'est le sbeul dans ma ville, dans ma ville, dans ma ville. C'est le sbeul dans nos vies, eh, dans nos vies. Tout le monde veut la monnaie, tout le monde veut des violets. Tout le monde veut la monnaie, tout le monde veut des violets. C'est le sbeul dans ma ville, c'est le sbeul dans ma ville, c'est le sbeul dans ma ville, c'est le sbeul dans ma ville. Tout le monde veut la monnaie, tout le monde veut des violets. Tout le monde veut la monnaie. C'est le sbeul dans ma ville. C'est le sbeul dans ma ville.